réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2016. En deuxième partie, on parlera de la rentrée littéraire et je serai avec Vincent Message qui publie 5 ans après son premier roman L'Éveilleur et toujours au seuil des fêtes des maîtres et possesseurs. Très bon roman que je vous recommande vivement et que je recommande à notre tête chercheuse de la semaine, Sylvia Pérez-Victoria, puisqu'il épouse un peu les thèses que vous défendez dans votre manifeste pour un 21e siècle paysan. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Dans un instant, le 4e épisode de notre série. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle, une série avec Sylvia Pérez-Victoria. Aujourd'hui, 4e épisode où sera question des enjeux sociaux et politiques. Et jusqu'à présent, le seul avenir pour les paysans était de devenir exploitants agricoles ou de migrer vers les villes. Et dans un contexte de compétitivité exacerbée et de chômage durable, les limites sont atteintes, nous dit Sylvia Pérez-Victoria dans son manifeste. Les villes ne peuvent pas grossir indéfiniment plus, les villes ne nourriront pas les villes, limite de l'agriculture urbaine. Alors, sortir de l'agriculture industrielle, est-ce que ça permet de retrouver du travail pour des millions de gens dans le monde et de leur assurer une nourriture de qualité? Vous faites le pari que c'est possible. Ah oui, c'est tout à fait possible. C'est possible et souhaitable. Et c'est en marche. Hein. Si on donne partout où des paysans ont pu s'installer, partout où des terres agricoles ont été mises à disposition, ça a permis de retrouver du travail. Ça a permis, on a cité l'autre jour les collectivités territoriales. Ça s'est fait. Si je prends un exemple plus exotique, au Brésil, les mouvements des sans-terre, quand ils se sont installés, ils ont actuellement, il y a 350 000 familles sur 8 millions d'hectares qui travaillent, qui vivent, alors que qu'elles étaient destinées finalement à se retrouver dans des bidonvilles et à mourir de faim. Et moi, je pense, si vous voulez, que bon, c'est vrai qu'actuellement il y a une espèce de, disons, de mode d'agriculture urbaine, mais l'agriculture urbaine nourrira pas les villes. Les villes ne seront pas nourries par les villes. Donc, il faut vraiment que l'agriculture nourrissent les villes. Et moi, il me semble tout à fait aberrant que tout ce qui entoure les villes soit des zones commerciales, alors que la logique voudrait que ce soit des ceintures vivrières. Et ça donnerait du travail à beaucoup de gens, ça permettrait de nourrir les villes et ça réglerait beaucoup des problèmes d'environnement dans lesquels qui semblent absolument incontournables. Mais ce discours est porté depuis quelques années, ici même en France, même en Europe, je veux dire, et il commence à être entendu. Il commence à être entendu, mais si vous voulez, encore une fois, dans le cadre d'une libéralisation exacerbée, si par exemple, je sais pas, on prend le TAFTA, l'accord multilatéral, enfin l'accord qui va être signé entre l'Europe et les États-Unis, cette ouverture-là au marché, à l'internationalisation, encore une fois, cette compétition, le fait qu'on ait des aliments qui vont arriver n'importe où, de n'importe quelle qualité en plus, parce que c'est ça aussi la qualité de ce qui va arriver des États-Unis, va faire que ça ne va plus être possible de produire localement. Donc c'est vraiment ça. Il y a des choix majeurs nécessaires pour qu'on puisse vraiment envisager de créer. On a 5 ou 6 millions de chômeurs. On a perdu 5 millions de paysans. en gros, c'est dans les dernières années. Moi, je pense pas que tout le monde voudra devenir paysan. Ça, je crois pas que ça se passe comme ça. Mais par contre, je pense qu'il y a énormément de possibilités si on produit localement, si on transforme aussi, parce qu'il y a pas que la question de la production, il y a les produits frais, mais il y a aussi toute la question de la transformation, les abattoirs, les petites industries, la conserverie, etc. Tout ça, ça a été centralisé. Tout ça, ça a été c'est parti ailleurs. Et donc, on peut parfaitement produire localement pratiquement toute notre... Alors, la France est un cas d'école, absolument. C'est pas toujours le cas. Vous avez des zones qui sont désertiques ou des zones où il n'est pas toujours possible de produire. Mais en France, oui. On estime qu'en France, s'il y avait une guerre mondiale maintenant, on serait plus capable de s'alimenter avec ce qu'on a en France. Donc, vous voyez, il y a vraiment des enjeux importants et on sait faire. Le problème, c'est qu'il faudrait une volonté politique. Mais ces échanges aussi entre pays, entre continents, c'est aussi une manière de vivre le monde d'une manière plus apaisée. Non, mais on peut échanger, ça n'empêche pas d'échanger, mais on n'est pas obligé d'échanger, par exemple, notre blé. Par exemple, on importe notre blé pour produire du pain, par exemple. C'est pas parce qu'on va importer ce blé là pour produire du pain qu'on va avoir de meilleures relations avec les gens. Si vous voulez, il y a une confusion entre une libéralisation des échanges entre gens qui sont tout à fait culturels, etc., qui sont tout à fait intéressants, et puis la libéralisation des marchandises qui est du business, qui passe par des marchés financiers, qui passe par des marchés que nous ne contrôlons absolument pas. Et c'est ça que je remets fondamentalement, enfin moi et beaucoup de gens, nous remettons en cause en fait. Et vous êtes entendu par qui aujourd'hui? Par les paysans déjà. Ouais. Par les paysans qui se rendent bien compte que c'est une des causes de leur disparition et de leur incapacité de produire. Et puis par de plus en plus de gens qui sont en train de se préoccuper du type d'aliments. Parce qu'en fait aussi, plus vous êtes proche des aliments que vous mangez, plus vous savez ce que vous mangez. Parce que ça aussi, vous savez, il y a quand même des maladies quand même dues à l'agriculture industrielle. Là, en ce moment, il y a la grippe aviaire. Une autre fois, ça a été la vache folle. Donc il y a toute une série de la vache folle, entre autres, qui est due à cette volonté effrénée de produire de moins en moins cher, parce que c'est aussi ça. Et donc, plus vous êtes proche de votre alimentation, plus vous avez une traçabilité, si je puis dire, de votre alimentation, plus vous avez des garanties que l'alimentation elle est de qualité. Et moins elle se balade d'un bout à l'autre de la planète. Parce que si vous voulez, les tomates qu'on mange qui sont pas bonnes, elles sont pas bonnes pourquoi? Parce qu'on les a pensées pour qu'elles puissent être transportées, pas pour qu'elles puissent avoir un bon goût, par exemple. C'est un cas typique. Elles sont dures, elles sont parce qu'elles résistent au transport. Bon. Et donc, vous avez des normalisations qui sont dues à l'agriculture industrielle et du gaspillage aussi alimentaire. On ne parle pas beaucoup du fait qu'une grande partie du gaspillage alimentaire est due au fait qu'on transporte les aliments d'un bout à l'autre de la planète, alors que en produisant localement partout où c'est possible, ça règle énormément de problèmes. On ne peut pas tout produire localement. Non, absolument. On peut pas, comme je vous ai dit, nous, on ne pourra pas encore produire de café tout de suite. Donc, on ne peut pas tout produire localement. Et il y a des zones qui sont peut-être déshéritées, etc. Mais on peut produire beaucoup plus localement que ce qu'on ne fait. Alors, on considère que la richesse est d'échanger. Et bien, voilà, c'est aussi un des grands préceptes des économistes auxquels je n'adhère pas du tout. Maintenir une paysannerie vivante et diversifiée, c'est aussi maintenir des cultures, des perceptions du monde riche et indispensable à l'humanité. C'est ce que vous dites, Sylvia Pérez-Vitoria, toujours dans ce manifeste pour un 21e siècle paysan édité chez Actes Sud dans la collection Questions de société. Mais vous dites qu'aucun État au monde ne donne la priorité. Oui, absolument. Aucun État au monde ne considère que c'est très important. Ça devrait être le centre, en fait. Ça devrait être le centre d'une construction sociale. Actuellement, vous avez beaucoup d'États, en particulier d'Amérique latine, qui se sont lancés dans un programme de ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire des matières premières, des minerais, qui se font au détriment des terres agricoles et au détriment des forêts, des populations, parce que voilà, il y a toute l'idéologie du développement, que il faut être compétitif, il faut être sur les marchés, il faut avoir des devises, il faut bon. Alors si vous voulez, c'est tout ce mécanisme-là, à mon avis, qu'il faut remettre complètement en cause. Par une révolution paysanne. Je ne sais pas, elle est peut-être en cours, cette révolution paysanne. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Sylvia Pérez? Si vous voulez, jusqu'à présent, on pouvait toujours dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Le fait qu'on assiste actuellement à un mouvement paysans d'une telle ampleur qui est le principal mouvement social à l'échelle mondiale, parmi tous les mouvements sociaux qui existent, c'est ce mouvement-là qui est le plus important. Le fait que, par exemple, se préparent en Afrique des marches pour l'eau et la terre, des caravanes, qu'il y ait eu des marches très importantes en Inde, qu'il y ait eu des conquêtes importantes, on peut dire, j'ai cité tout à l'heure le mouvement des sans terres du Brésil, etc. Donc ça prouve, si vous voulez, qu'il y a une mobilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mobilisation ne se fait pas uniquement une mobilisation paysanne, mais que beaucoup de gens autour, des gens des villes en particulier, se rendent compte que derrière ces luttes, c'est aussi eux-mêmes qui sont ils sont concernés par ces luttes-là et ils s'y engagent aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est une internationale qui se met en route. C'est pour la première fois dans l'histoire des paysans, c'est une internationale paysanne, on peut appeler ça comme ça, oui. Et comment ils se parlent entre eux? Eh ben, c'est compliqué parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est pas comme les grands qui se réunissent à le bout. Donc, d'abord, ils s'organisent par région et puis tous les 3 ou 4 ans, ils se retrouvent pour des conférences mondiales dans lesquelles ils échangent. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'un paysan du Nord ou un paysan du Sud, et bien, quand ils se rencontrent, ils ont les mêmes choses à se dire, ils ont des choses à échanger parce que l'approche, la démarche qu'ils ont vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des marchés internationaux, etc., est très proche. Donc ça, c'est intéressant à voir. Merci beaucoup Sylvia Pérez-Vitoria. On se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Et demain, justement, on parlera du manifeste que vous voulez lancer, que vous lancez d'ailleurs à travers cet écrit qui vient d'être publié par Actes Sud, pour un manifeste clair et un engagement militant. À demain. À demain. Bonjour Vincent Message. Bonjour. Vous êtes thé le matin? J'ai pas de règles. Mais là, ce matin, vous êtes thé à la menthe. De fait. Votre second roman sort toujours au seuil, Défaite des maîtres et possesseurs. Au début, on ne sait pas dans quel monde on évolue, ou plus exactement, on ne se pose pas la question. Persuadé, dès les premières lignes, qu'il s'agit d'un drame contemporain, un homme rentre chez lui le soir, sans sa compagne, sans la femme qu'il aime, on le devine aussi, qui est à l'hôpital, elle, renversée par un véhicule la veille. Mais on comprend vite que la femme n'a pas de papier, que c'est un problème. Aucune intervention ne pourrait avoir lieu sans les papiers de l'accidenté. Et l'homme, qui a tout d'un haut cadre dans un grand ministère, semble désemparé. Alors, est-ce un drame sur la situation précaire des sans-papiers? Mais non, ben justement, avant d'arriver au troisième chapitre, on apprend qu'on est dans une autre époque. Un avenir cauchemardesque. L'humanité a réussi à s'auto-éradiquer presque entièrement et les nouveaux maîtres de la planète sont un peuple nomade venu d'ailleurs. L'homme, Maloclès, appartient à ce peuple de conquérants. La femme qu'il aime, Iris, elle, appartient à l'espèce faible, celle des humains donc, les nouveaux soumis. Oui, c'est comme ça que ça commence effectivement. Iris est sur ce lit d'hôpital. On a du mal d'abord à cerner les rapports qu'elle entretient avec ce Maloclès avec qui elle habite. Et puis petit à petit on se rend compte que lui fait partie de cette nouvelle espèce qui est arrivée d'ailleurs et qui a trouvé la planète dans un état assez dégradé. Et après un temps d'observation, un temps d'hésitation, il y a eu un conflit qui a permis à au peuple auquel il appartient de prendre le contrôle, de dessaisir l'humanité de ses fonctions. En particulier parce que ce peuple a considéré que l'humanité avait une gestion de la planète qui n'était pas du tout soutenable. La question pour Malo est de savoir s'il va réussir à tirer Iris du piège dans lequel elle s'est mise, puisque elle n'a pas de papier, sans papier elle ne peut pas être opérée. Et donc ce qui s'enclenche dans ce début de roman, c'est une forme de compte à rebours pour lui fabriquer une nouvelle identité et qui est clairement également une course contre la montre et contre la mort. Et puis surtout contre les lois qui régissent la planète, qui ont été imposées par ce peuple nomade. Oui, parce que il y a dans ce temps que j'imagine trois catégories d'humains désormais. Les humains sont donc assujettis à ce nouveau peuple. Il y a des humains qui font des travaux de force, qui sont dominés, mais au fond pas beaucoup plus dominés que ne le sont l'immense majorité des employés du salariat ou du capitalisme contemporain. Il y a des humains qui cherchent à tenir le rôle d'hommes de compagnie, comme nous avons nos animaux de compagnie, et Iris en fait partie. Et puis il y a des humains qu'on élève de façon industrielle dans des grandes fermes et qu'on abat et qu'on mange. Donc Malo, qui est ce fonctionnaire qui est censé respecter toutes les règles de ce monde, va se trouver mis dans une situation où il va devoir les transgresser de plus en plus, prendre des risques de plus en plus importants pour défendre sa compagne. Alors, vous dites compagne, mais même si c'est assez ambigu, hein, ce Malo, il est marié, il a un enfant, et la relation qu'il entretient avec Iris, comment la définiriez-vous, Vincent Message ? Je pense que l'ambiguïté est volontaire. Ils sont visiblement dans un rapport de grande affection. Et en même temps, ils appartiennent pas au même monde, pas à la même espèce. Donc c'est un rapport où il y a aussi forcément une part d'opacité. Ils comprennent pas forcément tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ils arrivent à communiquer, mais ils arrivent pas forcément à se dire tout. Et donc pour moi, c'était aussi une manière de s'interroger sur les rapports qu'on entretient avec des gens qui sont très différents de nous, qui n'appartiennent pas forcément... qui n'ont pas forcément la même nature que nous et avec lesquels pourtant on peut tisser des liens très forts. C'est leur cas, mais la nature précise de ces liens reste effectivement assez indéfinie. Roman d'anticipation ? Pas forcément, puisque l'anticipation supposerait que ça se passe dans un avenir lointain. Bon, alors, c'est un peu ce que pose le scénario de départ, mais je dirais plutôt fable au sens où beaucoup des choses que je décris sont notre présent en fait. Simplement, c'est le présent tel que le subissent les dominés du salariat ou les animaux, et pas nous. Et donc moi, ce que j'imagine, c'est un... Ou les sans-papiers, étrangers d'ailleurs. Ou les sans-papiers, les réfugiés, etc., bien sûr. Et donc ce que j'imagine, c'est un monde qui ressemble furieusement en fait à notre présent, où simplement les rapports de force se trouvent inversés. Nous sommes désormais ceux qui sont assujettis, nous ne pouvons plus nous prétendre l'espèce dominante et je pense que c'est une manière de réenvisager le présent depuis un point de vue plus distant. Ce que j'aimais bien là-dedans, c'est cette idée que dans un monde qui connaît comme ça une forme de blocage systémique, de crise systémique, prendre un point de vue venu d'ailleurs qui permet d'englober ce monde, d'avoir pour ce monde un regard embrassant, d'en redécrire les règles, est quelque chose qui peut créer des impressions nouvelles et un phénomène peut-être d'empathie, par exemple, nouveau pour des invisibles, pour des gens à qui on ne fait pas attention, que ce soit les plus faibles dans notre société ou les animaux qui sont aussi les plus faibles, mais qu'on ne met pas du tout sur le même rang. Alors, cette remise en cause d'un système inébranlable, cette fugue comme tentative de résistance dans votre roman, Vincent Message, n'empêche pas un final assez, assez sombre. C'est une fin très noire que vous nous réservez pour votre second roman. On peut ne pas parler, effectivement, et vous avez raison de le dire, de roman d'anticipation, mais il y a quand même... entre votre roman et les romans sortis cette année, beaucoup de points communs. Je pense notamment au dernier Houellebecq, sorti il y a tout juste un an, Soumission, ou 2084 de Boualem Sansal, sorti en septembre, comme si il y avait un nouveau mouvement littéraire qui s'imprégnait des angoisses du présent pour essayer de deviner à quoi ressemblera le monde de demain. En ce qui me concerne des fêtes des maîtres et possesseurs, ce qui est dans l'actualité, c'est l'urgence climatique, l'état d'urgence climatique que nous connaissons et dont, en fait, qui va pas durer quelques mois, qui va durer jusqu'à ce que, hypothétiquement, on réussisse la transition énergétique, la transition démographique, que voilà, la population de la planète se stabilise de manière soutenable. Et je pense que la fiction est un bon moyen pour travailler ces angoisses parce que... elle permet de transposer les choses et donc quand même d'avoir un regard plus critique sur le fonctionnement de nos sociétés, de ne plus être pris uniquement dans nos habitudes quotidiennes, mais de voir les choses de vraiment plus loin, comme un anthropologue étudie une société différente et en décrit les codes et se met à montrer toute la bizarrerie de choses qui nous paraissent naturelles. Ce qui nous paraît naturel, c'est des habitudes de consommation, c'est des habitudes dans la manière dont on produit, c'est des habitudes d'alimentation. Et en l'occurrence, un thème central du livre, c'est cette question animale. On grandit tous, on est très nombreux à grandir dans un régime d'évidence par rapport à la manière dont on élève et tue des animaux pour les manger. Et moi, j'avais envie de perturber ce régime d'évidence, de faire qu'on se repose la question. Pourquoi est-ce que nous assumons à ce point d'être des super prédateurs? Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de rendre ça invisible? Pourquoi nous nous sentons mal à l'aise au moment où, de nouveau, ça apparaît et ça n'est plus occulté? Moi, mon but n'est pas de remuer les peurs. Il est, au contraire, de donner les conditions du combat. D'ailleurs, le titre que j'ai choisi, « Des fêtes des maîtres et possesseurs », est un titre très combatif. Il insiste sur des phénomènes de domination, et de domination illégitime, de domination très violente. Et il vous disiez tout à l'heure qu'il y a une fin sombre. L'ensemble du roman est assez noir, effectivement. Mais cette noirceur, pour moi, n'exclut pas la lumière, et cette lumière, c'est celle du combat. Et dans la littérature, il peut y avoir, contrairement au combat politique, qui, moi, me paraît souvent un combat austère, toujours dans l'adversatif, qui donne de l'aigreur, etc. Le combat littéraire, c'est un combat qui peut être aussi joyeux. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et pourtant, le titre de votre roman, Vincent Message, « Défaite des maîtres et possesseurs », ça renvoie beaucoup plus à des titres de publications anarchistes du 19e siècle. Oui, alors on peut le lire au premier abord comme quelque chose de l'ordre de la provocation ou de la volonté de renverser l'ordre établi. Et il y a ça, et cet aspect-là me paraît pas inoffensif ou innocent à partir du moment où, comme je vous disais, on est dans un monde où les dominations sont très fortes, les inégalités se creusent, il y a quand même des milliards de personnes qui vivent dans des conditions misérables et des centaines de milliards d'animaux qui vivent dans des conditions atroces. Donc moi, ça m'intéresse, ça, cette violence. Elle est plus ou moins masquée. On la connaît, on la connaît sans l'avoir éprouvée, comme ça, en première personne, et ça m'intéresse de la montrer, de la révéler. Mais ce titre se présente aussi comme un piège, puisque, au fond, il n'est pas juste là à pointer du doigt une certaine élite socio-économique qui gérerait la mondialisation. Les maîtres et possesseurs de ce titre, en réalité, nous en faisons tous partie. Donc c'est aussi une manière, au sens où nous dominons la nature, au sens où nous sommes ceux qui transformons notre environnement d'une manière qui n'est pas soutenable. Et donc c'est aussi une manière de s'interroger sur les effets systémiques des comportements individuels. Donc pas seulement pointer des responsabilités ailleurs. Moi, je trouve ça toujours plus intéressant d'assumer que les responsabilités, elles sont partagées. Le fait qu'elles soient partagées n'empêche pas qu'elles soient pleines. Donc le fait qu'il y ait des gouvernants ou des entreprises qui gèrent très mal leur rapport au vivant, à la nature, à l'environnement, aux ressources, n'empêche pas que nous aussi, nous ayons nos responsabilités, et qu'il serait trop facile de s'en détourner, de simplement blâmer les autres ou regarder ailleurs. Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, c'est votre second roman de fiction, 5 ans, même 6 ans après votre premier roman très remarqué, Les Veilleurs, qui lui revisitait plutôt les codes du roman noir. Comment avez-vous écrit ce roman, Vincent Message ? Au départ, il y a quelque chose d'assez inhabituel pour moi. La plupart de mes projets sont des projets d'assez longue haleine, qui se sédimentent comme ça. Il y a des histoires qui viennent, j'attends, je vois si elles restent, je vois si elles s'implantent dans mon univers mental. Et puis, petit à petit, je les construis. Là, ça a été quelque chose de plus soudain. C'est vraiment à l'automne 2014 que j'ai eu cette idée, à partir du moment où je me suis dit que pour faire sentir ce qu'est la condition animale aujourd'hui dans le monde, ce que nous faisons subir aux animaux et ce que nous faisons subir aux vivants, à la nature plus généralement, le plus fort, le plus simple était peut-être d'inverser les rôles et de nous mettre à la place des animaux, de faire de nous les nouveaux animaux. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, qui reposait sur le fait que voilà, on est des êtres très empathiques et en même temps on a besoin de s'identifier fortement et directement pour être empathique. On sait que les morts lointains nous concernent peu, on sait que le sort d'espèces qui ne sont pas les nôtres nous concerne peu, etc. Donc il y avait l'idée de jouer sur cette empathie. C'est un roman qu'à partir de là j'ai écrit assez vite en le nourrissant de certaines lectures hein, sur ce qu'est le, comment on a pu penser notre rapport aux vivants ou aux animaux à travers les siècles. Je pense par exemple à un très beau livre d'Elisabeth de Fontenay qui s'appelle Le silence des bêtes, qui fait toute une traversée magnifique de la question animale à travers la philosophie occidentale, qui se nourrit ensuite de tout ce que l'actualité nous apporte comme information sur le sujet. Il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup d'images qui sortent là-dessus. Voilà que j'ai écrit d'une manière assez impulsive, avec un sentiment d'urgence, puisque je suis quelqu'un qui a très conscience de la précarité de nos existences, et que en écrivant, je me dis toujours, si j'ai encore un seul livre à faire, de quoi faut-il qu'il parle ? Vous qui avez à peine 32 ans ? Eh ben oui, c'est comme ça. Mais précisément, le monde dans lequel on vit est assez violent, je pense, pour qu'on puisse se poser la question. Donc, et puis ça, c'est un bel aiguillon de l'écriture, je trouve. S'il reste une seule question à poser, s'il reste un seul livre à faire, de quoi faut-il parler ? Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire ce roman, en en interrompant d'ailleurs un autre qui est en cours, qui sortira peut-être d'ici quelques temps, et qui, lui, parle du monde du travail et de l'entreprise. Mais il y a eu soudain un sentiment d'urgence, à quoi j'ai voulu donner droit. Vincent Message, on passe au questionnaire d'un autre jour. Vous connaissez le principe, il faut choisir trois questions parmi la quinzaine proposée à tous les invités de ce matin. Première question. La première question est, que lisez-vous en ce moment ? Ça tombe bien. En ce moment, je suis en train de finir un très beau roman qui est paru il y a 2 ans, d'Antoine Volodine, Terminus Radieux, qui se passe dans un temps assez indéfini de la Russie ou de l'Asie centrale, d'après des grandes catastrophes nucléaires. Donc il y a une tonalité un peu apocalyptique qui peut rappeler par certains aspects ce que je tente dans Des Fêtes des Maîtres et Possesseurs. Et c'est un roman que je trouve merveilleux, qui est extrêmement drôle, qui tient à la fois du conte russe et du roman très politique. Voilà, donc je recommande la lecture à tout le monde. Deuxième question. De toutes les fleurs du monde, laquelle est votre préférée ? Ah, ça, c'est un peu compliqué à dire. Je répondrai pas par une fleur. Je pense que quelque chose que j'adore, c'est les cerisiers en fleurs. Et il m'arrive très souvent, sans être jamais allé au Japon, de faire ce rituel japonais qu'on peut faire à Paris, qui consiste à aller au parc de Sceaux et à assister à la cérémonie des cerisiers en fleurs avec tout plein de personnes venues d'Asie et qui font cette cérémonie là-bas au mois de mars ou d'avril. Et enfin, troisième et dernière question. Est-ce que vous dansez ? Oui, oui, oui, j'aime beaucoup ça. On n'en a pas assez l'occasion, je trouve. Les jours et les nuits sont trop courts, mais j'aime beaucoup. Oui. Des Fêtes des Maîtres et Possesseurs, belle rentrée littéraire pour Le Seuil. C'est le dernier roman de Vincent Message. Merci d'être venu ce matin. Je vous laisse faire le générique de fin. Et ensuite, je vous laisserai terminer votre thé matinal. Allez, Vincent Message, c'est à vous. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de Toufi Kakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvres pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission, disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet et Thomas Duterre. Merci à tous.